Nous n'avions rien, ou presque rien, que notre vie à nous donner. Que notre amour à partager. Et c'était bien. Nous n'avions rien, quelques copains, un chien perdu et recueilli. Dormez là, au pied du lit. Et c'était bien. Et c'était bien, et c'était plein, et c'était nous. Et c'était bien, et c'était jeune, et c'était fou. Nous vivions là, sur un nuage, et chaque jour tournait la page d'un merveilleux livre d'images. Nous n'avions rien, ou presque rien, qu'un avenir vague, incertain, mais qui semblait très loin, très loin. Et c'était bien. Et nous vivions l'âme sereine, ne connaissant rien de la vie. Et puis la chose soudaine, on a grandi. Et c'était bien, et c'était bleu, et c'était nous. Et c'était bien, et c'était jeune, et c'était fou. Nous vivions là, sur un nuage, et chaque jour tournait la page d'un merveilleux livre d'images. Et c'était bien.